Vous êtes ennemi, monsieur, de ce Falkenhergot ? Hey ! Oui, oui, je vous en réponds. Touchez-la. Touchez ! Je vous donne ma parole et vous jure sur mon honneur, par l'épée que je porte, par tous les serments que je saurai faire, qu'avant la fin du jour, je vous défraie de ce maraud fiefé, de ce Falkenhergot ! Reposez-vous sur moi. Monsieur, les violences en ce pays-ci ne sont guère souffertes. Je me moque de tout et je n'ai rien à perdre. Il se tiendra sur ses gardes, assurément. Et il a des parents, des amis et des domestiques dont il se fera un secours contre votre ressentiment. C'est ce que je demande, morbleu. C'est ce que je demande. En tête, en ventre, que ne le trouvais-je à cette heure avec tout son secours? Que ne paraît-il à mes yeux au milieu de 30 personnes? Que ne les vois-je fondre sur moi, les armes à la main? Comment, maraud, vous avez la hardiesse de vous attaquer à moi? Allons, morbleu, tu, point de quartier, donnant, ferme, poussant, bon pied, bon œil, ah, coquin, ah, canaille! Vous en voulez par là? Je vous en ferai tâter votre sou! Soutenez, maraud, soutenez! Allons à cette botte, à cette autre, à celle-ci, à celle-là! Comment? Vous reculez! Pied ferme, morbleu, pied ferme! Monsieur, nous n'en sommes pas! Voilà qui vous apprendra à vous oser jouer à moi!